À la même, troisième. Oui, j'en atteste la nuit sombre, confidente de nos plaisirs, et qui verra toujours son ombre disparoître avant mes désirs. J'atteste l'étoile amoureuse qui, pour voler au rendez-vous, me prête sa clarté douteuse. Je prends à témoin ce verrou qui souvent réveilla ta mère, et cette parure étrangère qui trompe les regards jaloux. Enfin, j'en jure par toi-même, je veux dire par tous mes dieux, t'aimer est le bonheur suprême, il n'en est point d'autre à mes yeux. Viens donc, ô ma belle maîtresse, perdre tes soupçons dans mes bras. Viens t'assurer de ma tendresse et du pouvoir de tes appas. Cherchons des voluptés nouvelles, inventons de plus doux désirs. L'amour cachera sous ses ailes notre fureur et nos plaisirs. Aimons, ma chère Éléonore, aimons au moment du réveil, aimons au lever de l'aurore, aimons au coucher du soleil. Durant la nuit, aimons encore.